une histoire particulière. Après l'histoire du phare de Thévenec, diffusée les 22 et 23 septembre dernier, voici une nouvelle histoire, celle d'un nouveau lieu. Alors voilà, repartons ensemble, marcher, arpenter ces endroits qui ont marqué leur temps et surtout les gens qui les ont habités. Il existe de nombreuses manières de s'évader, de se faire la belle, comme on dit. La plus connue reste l'évasion par le sous-sol et donc par un tunnel creusé à cet effet. L'évasion du Stalag Luft III pendant la Seconde Guerre mondiale a été immortalisée dans le film « La Grande Évasion ». Le comité X, un regroupement de prisonniers, organise une évasion pour fuir ce camp allemand. Plusieurs tunnels à près de 10 mètres de profondeur furent creusés. Très organisés, les prisonniers avaient installé une pompe pour faire circuler de l'air frais dans les tunnels. Ils avaient par ailleurs mis en place tout un système d'éclairage électrique et de rails pour transporter les débris. Après 5 mois d'efforts, 76 prisonniers se lancent vers la liberté. Mais le tunnel s'avère un poil trop court. Voici l'histoire d'un autre tunnel, d'une autre époque, mais d'un même désir de liberté. Tunnel 57, premier épisode. Creusé sous le mur de la honte. Olivier Chaumel, Lionel Quentin. Avez-vous une idée combien d'Allemands de l'Est ont quitté leur pays entre 1949 et 1961 ? Sur une population totale de 15 millions à peu près ? Approximativement, ouais. 2 ou 3 millions ? Ouais, en 3 millions d'habitants. C'est énorme. C'est le sixième de la population de l'Allemagne de l'Est. Et c'est à presque 50% des jeunes de moins de 25 ans. Hein? Souvent fraîchement sortis de l'université, souvent par des diplômes. C'est une catastrophe pour l'Allemagne de l'Est. Vous connaissez la suite de l'histoire. 1961, ils vont fermer la frontière là où elle était encore ouverte. Entre le secteur soviétique et les trois autres secteurs. On est dans la nuit du 12 au 13 août 1961, c'est la nuit de samedi à dimanche. Donc le dimanche matin, entre minuit, enfin 1h, 2h du matin possiblement, dans les gardes frontières, on commence à dérouler des fils barbelés sur la quasi-totalité de la ligne de démarcation, le secteur soviétique et les trois autres secteurs. Les fils barbelés ont été remplacés dans les jours qui ont suivi par des blocs de béton. Quand les fils barbelés sont déroulés dans la nuit du 12 ou 13 août 1961, c'est l'équivalent de 850 Berlinois de l'Est qui étudiaient dans les universités de Berlin-Ouest, Freie Universität Berlin, Technische Universität Berlin. 850 étudiants, donc le lundi matin, ne peuvent plus aller assister à leurs cours. Mais c'est également 13 000 familles qui se retrouvent du jour au lendemain séparées. Et des cas typiques qui vont nous intéresser. Un des partenaires du couple habite encore chez ses parents à Berlin-Ouest. L'autre partenaire habite encore chez ses parents à Berlin-Est. Et si le samedi soir, ils ont une mauvaise idée d'aller dormir chacun chez leurs parents respectifs, mais quand ils sont réveillés dimanche matin, vous pouvez imaginer le drame que ça peut représenter. Walter Ulbricht, le premier secrétaire du Parti communiste de la RDA, déclare en conférence de presse le 15 juin 1961 « Personne n'a l'intention d'ériger un mur ». On n'était pas obligé de le croire. Cette même année 61, on débarrasse le mausolée de la place Rouge de l'encombrante momie de Staline et le 13 août, les Berlinois et le monde se réveillent suffoqués. Les secteurs britanniques, américains et français sont encerclés par le mur. Dès qu'on ferme une frontière, il se trouve toujours des petits malins pour s'amuser à la franchir. En matière d'évasion de la RDA, on a tout vu ou presque. Une fugitive dans une vache empaillée, un échec. Un sous-marin en mer Baltique, des aérostats à l'hydrogène bricolés dans le garage. Le métro, les égouts, des voitures à double fond. Ça marchait bien. Ainsi que les vrais faux papiers, du moins au début. Enfin, il y a eu les tunnels sous le mur, creusés dans les deux sens, mais plus fréquemment depuis l'ouest. Cette manière a permis l'évasion d'environ 400 personnes, ce qui est peu en regard des 5000 franchissements réussis du mur, mais reste très spectaculaire. Racontez-moi comment vous êtes passé à l'ouest en décembre 1961, Joachim Neumann. Ja, ich hatte Kontakt mit Studenten in West-Berlin. J'avais des contacts avec des étudiants à Berlin-Ouest. Erfahren, dass es eine Gruppe von Studenten gibt, die Et j'ai appris qu'il y avait un groupe d'étudiants qui faisait passer des gens de Berlin-Est avec des passeports étrangers. J'avais la chance d'avoir un ancien copain de terminale qui étudiait à Berlin-Ouest, mais qui vivait à Berlin-Est. Il y en avait beaucoup qui n'avaient pas de place à l'université à l'Est, pour des raisons politiques. C'est avec cet ami que le contact s'est fait. Alors vous avez rencontré quelqu'un qui vous a proposé le passeport de quelqu'un d'autre, d'un occidental. Ich habe über diesen Kontakt erfahren, dass es möglich ist, mit Hilfe eines ausländischen Passes nach Berlin zu kommen. C'était possible de passer à Berlin-Ouest avec un passeport étranger, mais je ne savais pas comment. Je savais juste que c'était possible de passer à Berlin-Ouest, mais dans un premier temps, je n'en ai pas su plus. Es hat ein paar Wochen gedauert. Ça a duré quelques semaines. Und dann hat mir ein Student aus West-Berlin et un étudiant de Berlin-Ouest m'a amené un passeport suisse. Und der Trick daran war, et le truc, dass der Besitzer dieses Passes, c'était que le titulaire de ce passeport et moi, nous ressemblions beaucoup. Vous avez payé pour ce passeport suisse ? Nein. Et une fois que vous avez ce passeport, il vous suffit de vous présenter à un checkpoint. J'imagine que ça se fait pas sans quelques appréhensions, voire angoisses. Allerdings war es auch nicht ganz so einfach. C'était pas si simple. Der ursprüngliche Besitzer dieses Passes, le vrai titulaire de ce passeport était blond. Ich hatte in meiner Jugend schwarze Haare. Et j'avais les cheveux noirs de ma jeunesse. Meine Haare blond färben. Il a fallu que je me colore en blond. Allein nicht geschafft. Je n'ai pas su le faire tout seul. Alors, je suis allé chez une copine qui était coiffeuse. Je ne lui ai bien sûr pas dit de quoi il s'agissait. Je lui ai juste dit très sérieusement que ça n'était pas pour rigoler. Et elle m'a teint en blond. Je lui ai dit qu'il ne fallait pas poser de questions. C'était mieux de ne pas tout savoir. Ich bin über den S-Bahnhof Friedrichstraße. J'ai passé la frontière à Friedrichstrasse par la S-Bahnhof. Et il y avait une autre complication. C'est qu'un Suisse a un autre dialecte et un autre accent. Et ça s'entend. Alors, j'ai fait en sorte d'être le plus mal aimable possible, de parler le moins possible. Je me suis contenté d'émettre des grognements. C'est assez bref, le passage, finalement. Ja, also, oui. Na klar, hat mein Herz geklopft, aber mon cœur a battu très fort. Auch nicht sehr aufgeregt, mais je pense que je n'étais pas si inquiet. Parce que je savais que ce passeport suisse était un vrai, qui n'était pas falsifié, et que les gens qui l'ont contrôlé ont examiné le passeport, pas la personne. J'avais confiance et je me disais que tout irait bien. Et une fois à l'ouest, vous faites quoi ? Nun, als allererstes bin ich zu Verwandten gefahren. Je suis d'abord allé dans ma famille, parce qu'il fallait bien que je dorme quelque part. Et le lendemain, je me suis présenté au camp des réfugiés à Marienfeld, où on devait s'enregistrer comme réfugié, et aussi, et c'était très important pour moi, je suis allé m'inscrire à l'Université technique de Berlin. Oui, parce que vous êtes d'abord étudiant. Et vous étudiez quoi ? Bauingenieurwesen. Le BTP. J'avais déjà mon diplôme de la RDA. Et vos études pourront vous être utiles dans la suite immédiate des opérations ? Nein, eigentlich nicht. Pas vraiment. Diese Art, wie wir später on a percé des tunnels pour faire s'évader des gens de l'Est. Par la suite, nos connaissances d'ingénieur ne nous servaient pas à grand-chose. Ce qu'il fallait, c'était de la force physique, de la ténacité et de la constance. Das einzige, was mir geholfen hat wegen meiner Ausbildung war, la seule chose qui m'a aidé pour le percement de ces tunnels, c'est que je savais prendre les mesures, indiquer la bonne direction du tunnel, etc. C'était important. Les premiers tunnels connus viennent très très vite, je crois que c'est en octobre 1961, soit deux mois après la construction du mur, dites-moi Arnold. Ja, Oktober bzw. November 1961. Oui, octobre, novembre 1961. On ne sait presque rien du premier tunnel. On sait juste qu'il y avait un mariage à Kleinmachnow, à côté de la frontière au sud de Berlin, dans une maison. Les gens faisaient la fête, ils buvaient. Ja, gefeiert. Und auf einmal wurde es in diesem Haus merkwürdig still. Et soudain, bizarrement, cette maison est devenue silencieuse. La police des frontières a envoyé une patrouille, il n'y avait plus personne. Mais dans la cave, ils ont trouvé plein de sable et un tunnel qui menait à Berlin-Ouest. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à cet endroit, la RDA a perdu la trace d'une noce, rien d'autre. Est-ce que c'est facile de creuser des tunnels dans le sous-sol de Berlin ? C'est quoi la géologie ? Dites-moi, Arnold. Berlin a plutôt de la chance parce que la ville est bâtie sur du sable, de l'argile et de la marne. Alors on pouvait percer des boyaux étroits dans le sable. Le problème, c'était le niveau des nappes phréatiques. Les premiers boyaux qui ont été creusés dans la Heidelberger Straße faisaient 20 ou 25 mètres de long, 60 cm de haut en moyenne, creusés en cylindre. Und da konnte man nur durchkrabbeln, man konnte durch einen Tunnel nie aufrecht gehen. On ne pouvait que ramper dedans, on ne pouvait pas du tout s'y tenir debout. Et une des difficultés principales aussi en ce qui concerne la discrétion, c'est l'évacuation des gravats, forcément. Das Problem mit der Erde ist ein wichtiges Problem gewesen. La terre, ça a été un des problèmes principaux. Il n'était pas question de mettre les gravats dans des seaux et de se balader dans la rue pour aller les vider. Man musste die Erde also in dem Keller lagern, von wo man ausgegraben hat. Il fallait stocker tout ça dans la cave depuis laquelle on partait. Zum Schluss hatte man nur noch schmale Gänge. Au début, on avait une grande cave, ensuite on installait des palissades et on jetait les gravats derrière jusqu'au plafond. Il y a deux tunnels qui ont échoué comme ça. Ils n'avaient plus de place pour stocker discrètement dans la cave, ils en ont mis dans la cour, et la Stasi s'en est aperçue. Creuser ce genre de tunnel, c'est devenu une entreprise de plus en plus compliquée. Nous avons documenté 75 tunnels, dont seulement 19 ont réussi. Die anderen 56 Tunnels, die nicht erfolgreich waren, les 56 échecs, c'était à cause de problèmes de construction, ou bien la nappe phréatique était trop haute, ou les passeurs ont été découverts ou trahis, ou la Stasi les avait infiltrés. C'était des projets diablement difficiles. Parmi les tunnels de la Bernauer Straße figure celui qu'on appelle le tunnel 57, non pas par son numéro d'ordre, mais par le nombre de personnes qu'il a permis de faire évader. Exactement. Beaucoup de tunnels ont un numéro à la fin. Tunnel numéro 29 personnes. Tunnel numéro 57, c'est le cas. Mais il y a des tunnels qui ont des noms très particuliers aussi. Là. Le tunnel des retraités, le tunnel du cimetière, bon. Il y a d'autres tunnels. Le tunnel numéro 57, il va donc ouvrir en octobre 1964. Et c'est déjà le 62e tunnel. Donc, si vous êtes fort en mathématiques... 3 ans et 2 mois après la construction du mur. Ouais. Et donc, 3 ans après le tout premier tunnel. Hein. Donc, si on fait le calcul, 62 tunnels en 3 ans, ça fait une moyenne de presque 2 tunnels par mois. Et le tunnel numéro 57, c'est le tunnel le plus... qui a permis au plus grand nombre de fugitifs de prendre la fuite. Aucun autre tunnel n'a permis autant de gens de prendre la fuite que le tunnel numéro 57. Mais ça marque aussi la fin de l'âge d'or pour creuser des tunnels à Berlin. Donc les 3/4 des 75 tunnels ont été creusés à l'intérieur de 3 ans, d'octobre 61 à octobre 64. Vous avez participé, Joachim Neumann, au percement de plusieurs tunnels, de l'ouest vers l'est, un tunnel, puis un autre. Comment est-ce que ça s'organise, ça, et comment se constitue l'équipe qui va faire ce travail, parce que ça se fait pas tout seul, évidemment. Ja, es waren an jedem dieser Tunnel so circa 20 Personen beteiligt. Pour chaque tunnel, on faisait venir environ 20 personnes. Es gab eine Kerngruppe. Il y avait un noyau central. Dieser Gruppe kannte dann eben jeder einen guten Freund oder einen Cousin. Et de là, chacun connaissait un ami, un cousin, un frère. Größer wurde. Et le groupe grossissait. Man musste sich natürlich auf die Leute verlassen. Il s'agissait de faire confiance aux gens. Ganz sicher konnte man Mais on n'était jamais sûr de rien là-dessus. Et vous le faites pourquoi, Joachim Neumann? Vous qui êtes passé à l'ouest quelques mois avant le percement de votre premier tunnel, il y a quelqu'un de l'autre côté que vous aimeriez faire venir? Ja, das auch. Also die Motivation war vielfältig. La motivation était de plusieurs natures. Zunächst mal war eine große Empörung in der Bevölkerung nach dem Bau der Mauer. D'abord, il y avait une grande indignation chez les gens après la construction du mur. Sodass eigentlich alle dachten, et tout le monde se disait, muss man etwas tun. Il faut faire quelque chose. Das nächste war, dass ich Freunde und auch Ensuite, j'avais des amis hatte, die in Ost-Berlin et aussi une amie qui était restée à Berlin-Est. Et j'avais promis à ces gens, si j'arrive à passer à l'Ouest, je ferai tout pour vous aider. J'étais engagé par cette promesse. Und schließlich ist mir ja auch geholfen worden, nach West-Berlin zu kommen. Et on m'avait aidé à passer à Berlin-Ouest. Alors je me sentais redevable. Etwas zu tun und nicht je devais le faire et pas seulement continuer mes études. C'est bien de d'émettre des promesses, Joachim Neumann. Seulement, le mur de Berlin, il est conçu pour être presque totalement hermétique et l'entreprise n'est pas facile. Quelle solution on envisage? Ja, zunächst mal habe ich gehofft, au début, j'ai eu l'espoir que le moyen par lequel j'étais passé avec ce passeport étranger était encore praticable. Mais ce n'était plus le cas, hélas. Et au bout d'un moment, on a l'idée de passer plutôt en dessous du mur. L'idée existait déjà. Elle n'était pas nouvelle. Il fallait juste l'adapter. Il faut trouver un point de départ. En général, on part d'un garage, d'un poulailler, d'un local abandonné ou tout au moins discret, côté ouest et très près du mur. Ganz genau, das war eine der größten Schwierigkeiten. Exactement. Dann sind C'était wir une des plus grandes difficultés. Durch Zufall über einen Bekannten. Et on est tombé par hasard sur un gars qui nous a rejoint. Hatte so einen Ort bereits gefunden. Qui avait trouvé un endroit. Und hatte schon angefangen, einen Tunnel qui avait déjà commencé à creuser un tunnel. Wir hatten zwar einige Kenntnisse über die Beschaffenheit des Bodens. On avait quelques connaissances sur le comportement du sous-sol. Die Häuser und Straßen. On s'est débrouillé pour avoir des plans avec les maisons, les cours, des plans cadastraux très précis. Ça, on avait. Mais pour la ventilation, on a appris au fur et à mesure. Es hat sich herausgestellt, dass ab einer Tunnellänge on s'est aperçu qu'après une longueur de tunnel de 30 ou 40 mètres, je ne sais plus exactement, il n'y avait plus assez d'oxygène. On avait très mal au crâne, on ne pouvait plus travailler. Il y en a un qui a craqué une allumette. Elle s'est éteinte tout de suite. Alors on s'est aperçu qu'il y avait trop peu d'oxygène. Et il a fallu qu'on s'occupe de la ventilation. So haben wir uns einen großen Ventilator besorgt. On s'est procuré un gros ventilateur. Die Luft aus et on a propulsé l'air de la cave dans le tunnel, par des tuyaux de poêle. Das war zwar auch keine frische Luft, aber es war zumindest so viel Sauerstoff. C'était pas vraiment de l'air frais, mais ça amenait suffisamment d'oxygène pour qu'on puisse continuer à travailler. Et ça se passait dans quelle ambiance, ce travail de force, mais qui doit néanmoins rester discret? Ja, das auf jeden Fall. Und es war natürlich auch eine sehr langweilige Arbeit. Also c'était un travail ennuyeux, contraignant, pénible. C'était toujours pareil. On creusait. On devait évacuer et pelleter les gravats dans la cave. Und es war so anstrengend, dass man nicht so allzu viel Zeit hatte, c'était tellement dur qu'on n'avait pas vraiment le temps de discuter. On était tellement crevés que quand on s'arrêtait, on allait dormir directement. On a vécu des semaines dans cette cave. C'était sale aussi, je suppose. Oh ja. Oh oui. Also über die hygienischen Verhältnisse möchte ich nicht reden. Je préfère ne pas parler des conditions d'hygiène. Wir müssen gestunken haben. On a dû puer. Creuser des tunnels sous le mur de Berlin, c'est à la fois, à chaque fois, une entreprise un peu folle, mais l'idée est bien naturelle. Quels moyens les autorités de l'Est mettent en œuvre pour lutter contre ça, pour les détecter, pour les pister? 1962 wurde bereits eine Spezialeinheit gegründet. En 1962, ils ont fondé une unité spéciale au sein des gardes-frontières qui s'est appelée Section Tunnel. C'était des spécialistes qui dépendaient de la Stasi et ils étaient formés à découvrir les tunnels en cours. Ils étaient équipés avec un matériel spécial comme des pics qu'ils pouvaient enfoncer dans la terre jusqu'à 3 mètres. Avec un micro très sensible au bout. Et ils écoutaient les bruits de creusement. Et du fait de cette surveillance acoustique, les creusements de tunnels étaient voués à l'échec. Et ça a été la fin des tunnels, en 1971. Joachim Neumann, vous avez en tête, dans les multiples entreprises que vous avez menées de percer des tunnels sous le mur, qu'il y a de l'autre côté une certaine Christa, c'est ça? C'est une de vos motivations principales. Ja, natürlich. Oui, bien sûr. Et vous avez percé combien de tunnels avant qu'elles finissent par arriver à l'ouest? Sie ist letzten Endes durch den vierten Tunnel. Elle est passée par le quatrième tunnel. Weil sie bei den ersten oder bei dem ersten Tunnel, der funktionierte, pour le premier tunnel qui avait marché, on n'avait pas pu la voir parce qu'elle était en vacances. Der nächste Tunnel, den wir dann gebaut haben, der ist leider verraten worden. Pour le tunnel qu'on a percé, après, il y a quelqu'un qui nous a dénoncé. Et quand on s'est retrouvé dans la cave d'arrivée à Berlin-Est, la Stasi nous attendait. Et on s'est enfui très rapidement. Et ça représente forcément un découragement immense quand vous arrivez au bout et que vous voyez que c'est pas possible. Ja, natürlich, das ist sehr frustrierend, aber noch schlimmer war dann. Bien sûr, c'est très frustrant, mais le pire. C'était l'angoisse qu'on avait pour nos amis de Berlin-Est. Parce que si la Stasi connaissait l'existence du tunnel, les gens qui étaient censés passer étaient en très grand danger. Cette fois-là, plus de 20 personnes ont été arrêtées à Berlin-Est. Ma copine aussi. Elle a été condamnée à 21 mois de prison pour tentative de fuite de la République. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Elle a fait 16 mois. Le reste a été commué en liberté surveillée. Je ne m'étais pas du tout attendu à ça, qu'elle soit libérée. Il a fallu que je réfléchisse à quoi faire, comment la récupérer par le tunnel. Il fallait agir vite. Immédiatement. Alors tout de suite, je suis allé voir Wolfgang Fuchs, qui dirigeait les opérations. Et je lui ai dit, écoute-moi, ce soir, il y a une fille en plus qui doit passer par le tunnel, qui n'était pas prévue. Das geht nicht, das ist alles organisiert. Il a dit, ça ne va pas du tout, tout est organisé. Tous les évadés ont été avertis. Und wir können nicht alles deinetwegen umwerfen. On ne peut pas tout changer à cause de toi. Et je lui ai dit, tu ne sais pas du tout de quoi tu parles. Il s'agit de ma copine qui vient d'être libérée. Das wusste er natürlich nicht. Il ne le savait pas évidemment. Il a dit, ok, on va trouver une solution. Dieser Tunnel 57. ce tunnel 57. C'est le plus erfolgreichste Fluchttunnel, der in Berlin jemals gegraben worden ist. C'est la plus grande réussite de tous les tunnels creusés sous Berlin. Il a abouti, et on n'avait jamais vu ça. Non pas dans la cave d'un immeuble, mais dans les toilettes abandonnées dans la cour de l'immeuble. À cause d'une erreur de calcul. Non, c'était des circonstances imprévues. Les mesures étaient bonnes, on était dans la bonne direction, et on était à quelques mètres de la maison. Mais tout d'un coup, le plafond au-dessus de nous est devenu tout mou. Il n'était plus compact, mais tout mou, et ça tombait sans arrêt. On ne pouvait plus creuser plus loin. On était encore 4 mètres sous la surface, à peu près. Et on ne savait pas, bien entendu, qu'il y avait au-dessus de nous ces toilettes avec la fosse septique. Ces toilettes étaient désaffectées depuis des dizaines d'années. Mais l'infiltration d'excréments avait rendu le sous-sol friable. Et c'est pourquoi on se trouvait dans cette terre toute molle. Et quand on a compris où on était, on a décidé que ces WC seraient l'accès au tunnel pour les fugitifs. Ça avait aussi le Vorteil. Ça avait l'avantage qu'on n'avait plus à creuser jusqu'à la cave. Et dans la cave, il y avait toujours un risque qu'un locataire descende par hasard et nous voie. Alors que dans ces toilettes, personne n'y était venu depuis des dizaines d'années. Et finalement, par hasard, vous êtes tombé sur un endroit assez idéal. Oui. Alors, on a décidé qu'on agirait le lendemain, dans la soirée. Et au cours de cette nuit-là, les fugitifs sont arrivés, les uns après les autres. Et soudain, un des nôtres est arrivé, soutenant une jeune femme. Il me l'a mise dans les bras en me murmurant « Fais attention, elle est très nerveuse. » Et quand je l'ai eue dans les bras, je me suis aperçu que c'était ma copine. Ça, c'était la première nuit d'ouverture du tunnel 57, c'est-à-dire dans la nuit du 3 au 4 octobre 1964. Cette nuit-là, il y a eu 28 fugitifs qui sont passés, et après 29. Donc on imagine la joie dans laquelle vous êtes de retrouver votre Christa. Mais l'aventure du tunnel 57 se poursuit la nuit suivante. Le premier soir, ça se déroule super bien. Les 28 personnes se présentent toutes par petits groupes, 1, 2, 3 personnes. Tout le monde connaît le mot de passe. Peu après minuit, la 28e personne est déjà donc en route vers l'ouest. Les 4 jeunes n'ont pas été dérangés une fois. Bon, ça s'est déroulé comme sur des roulettes. Tout ça, on se souvenait des gardes-frontières. Ils n'y reviennent pas comme ils ont été chanceux. On plonge dans le tunnel, retourne côté ouest, on font la fête toute la nuit avec les 28 personnes retrouvées. Et pendant la fête, on peut imaginer, on déjeune uns aux autres. Ça s'est tellement bien déroulé. On recommence demain. Tunnel 57, premier épisode. Avec Marc Boucher, Dietmar Arnold, Joachim Neumann, traduction Marie Heck et Françoise Schmitt, voix française Jean-Georges Brunet et Renaud Bertin. Merci à l'association Berliner Unterwelten, les mondes souterrains de Berlin, dont le précieux travail nous permet de raconter cette histoire. Bibliographie et liens sur franceculture.fr, coordination Christine Bernard, documentation d'actualité Patricia Miura, prise de son Thibaut Nassimben et Julien Douminc, mixage, Philippe Mercher. Creusé sous le mur de la honte, Lionel Quentin, Olivier Chaumel. Demain, ce sera à 13h30 que nous retrouverons Olivier Chaumel et Lionel Quentin pour la suite de l'histoire du tunnel 57.